Merci. Chers amis, la chanson que nous allons vous interpréter tout à l'heure, c'est une grande prière pour nous. Nous allons tous la chanter parce que je sais très bien que vous la connaissez. Merci. Et que nous allons louer l'Éternel. Thank you very much. Aksanti sana.